إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عبد الرحمن هنا طيب فأنا commence إن شاء الله aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication du livre النقد منهج شرعي hein, et c'est l'explication du livre du Cheikh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali qui s'appelle Al-Farq بين النصيحة والتعيير donc c'est la critique est un manhaj shar'i et c'est l'explication du livre de la distinction ou la différence entre la nasiha et l'insulte et c'est expliqué par le Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Donc le cheikh, on va continuer à partir du point où on était la dernière fois. Le cheikh il dit, « As-sahaba, allazina hajamu Quraishan fil ma'raka, allati ghayrat majra al-tarikh, a'zamu ma'rakatin fasila fil islam, ma'rakatu badrin, mada nazala fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hum qilla, sanat mia wa bid'at ashar, والدنيا كلها تحيط بهم بحار من الكفر فيحيط بهم الكفار من العرب والفرس والرومان والهند وهم عدد قليل والله أنزل عليهم سياطا من النقد اختلفوا في الأنفال فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هذا الذي يقول أنا قاتلت هذا الذي يقول أنا كذا هذا يقول أنا أولى وأنا أولى قال لهم ليس لكم شيء قل الأنفال لله والرسول وقبلها وهم ذاهبون الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لما خرجوا إنه جاءت عير لقريش فاخرجوا لعل الله ينفلنا إياها فخرجوا لهذا الغرض وخرج لا ما خرجوا للقتال. On va expliquer ce passage là puis après on va continuer l'explication du chef. Il dit que en continuant le point yani qu'on avait expliqué la dernière fois, on avait expliqué que yani à chaque fois que on critique quelqu'un ou qu'on avertit les gens contre une personne, certaines personnes ont l'argument de dire il faut pas faire de la médisance et puis que ça c'est de parler dans le dos et des choses de ce genre et ils ont ça comme argument puis on a expliqué que yani ça c'était pas ça rentrait pas dans ce domaine de qu'est-ce qu'on appelle la médisance mais au contraire c'est dans le but de montrer et de protéger les musulmans et la umma contre l'égarement et d'avertir contre les erreurs et de critiquer dans le but de faire connaître aux gens les erreurs pour ne pas qu'ils tombent dans ces erreurs-là et ça fait partie des obligations dans la charia. Donc le chef maintenant il a donné des exemples la dernière fois des soufis qui critiquaient les ulama d'Ahl Sunna et les ulama de hadith qui faisaient cette critique-là à propos des narrateurs de hadith et à propos des mubtadi'a en disant hada da'if, hada mudallis, hada sayyi' al-hifz ou hada مبتدع هذا شيعي أو هذا مرجي أو هذا قادري Donc, il faisait des avertissements et il classifiait les narrateurs selon leur niveau. Et il montrait aussi que, même parmi eux, des fois, ils parlaient comme ça de leurs propres parents. C'est-à-dire, quand on leur demandait au sujet de un tel ou un tel, hein, par exemple, même de leur propre père, eh bien, ils disaient « Abi Baif ». C'est pour te dire à quel point ils prenaient la religion au sérieux, et que même que c'est, même si c'était son père, son propre père, hein, eh bien, il, ça ne l'empêchait pas de dire la vérité à son sujet et d'expliquer aux musulmans qu'il n'était pas fiable dans le hadith. Hein. Donc, ça veut dire si c'est le cas, on n'allait pas dire ah, ça c'est un enfant qui respecte pas son père, qui parle mal de son père. Hein. On sait que c'est haram de parler mal de son père, mais dans ce domaine-là, il n'y a pas de question de lien de parenté ou de dire ah, ça c'est mon père, il ne faut pas que je dise la vérité à son sujet parce que c'est mon père, ou c'est mon frère, ou c'est quelqu'un de ma famille. Donc, si c'est le cas pour des gens qui sont aussi près de toi dans ta parenté, alors que diras-tu dans ce cas-là d'un étranger qui n'a aucune parenté avec toi et qui dit des choses contre l'islam, qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, et soi-disant parce que il faudrait ne pas faire de médisance, il faudrait s'abstenir de le critiquer et de corriger ses erreurs. Donc le cheikh a bien clarifié ça la dernière fois, on l'a lu, et il a donné des exemples, des salafs de ces choses-là. Maintenant il donne des exemples comment même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a critiqué les sahaba, et parfois même il a critiqué, Allah subhanahu wa ta'ala a même critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certaines occasions, pour montrer que ça fait partie du manhaj de l'islam, c'est pas quelque chose d'étrange à l'islam, c'est quelque chose qui fait partie du manhaj de l'islam, d'accord. Donc, le cheikh il donne l'exemple des Sahaba. Hein, ils ont, il dit, ils ont attaqué Quraysh hein, dans une bataille qui a changé le cours de l'histoire islamique. Et c'était la plus grande bataille qui s'est produite dans l'islam. C'est elle qui a été, disons, le discernement entre la vérité et le mensonge. Et c'était la bataille de Badr. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont descendus ainsi que ses compagnons. Hein, ils étaient environ même pas 310 et quelques sahabis, hein, et il dit ils étaient entourés d'un océan de mécréants et de kufres, hein, parmi par exemple les exemples des kufars parmi les arabes, parmi les perses, parmi les romains, les romains, et les gens de l'Inde, hein, qui étaient dans le shirk, alors que eux les musulmans à cette époque-là ils n'étaient qu'un petit nombre, hein. Dans cette bataille-là, ils étaient 310 et quelques. Donc, il faut voir à quel point ça pouvait être difficile à cette époque pour eux. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre toutes sortes de critiques contre les mu'minins et contre les sahaba, hein, pour les corriger et pour montrer le droit chemin aux musulmans et pour leur donner des leçons et des, une forme d'éducation en même temps. D'accord? Donc, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre lorsqu'ils ont divergé au sujet des butins de guerre, et bien Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset dans Surah Al-Anfal, c'est le verset 1, il te demande au sujet des butins de guerre, dit les butins de guerre appartiennent à Allah et à son messager, alors craignez Allah et faites la concorde entre vous et obéissez à Allah et au messager si vous êtes vraiment des croyants. Donc un d'entre eux disait moi j'ai combattu. Et l'autre disait, et moi j'ai combattu et j'ai fait telle chose. Et l'autre, donc ils étaient en train de se disputer pour dire, moi j'ai plus droit à, au butin que lui. Ou l'autre, il disait, moi j'ai plus de droit parce que j'ai telle chose. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu et leur a dit, vous n'avez tous, vous n'avez rien. Hein, le butin il est à Allah et à son messager. D'accord? Et donc, c'est pour les remettre à l'ordre et pour leur faire comprendre que le jugement vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut s'y soumettre. Et juste avant ça, alors qu'ils se dirigeaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés qu'il y avait une caravane qui appartenait à Quraysh et qui était sortie et donc ils souhaitaient la prendre comme butin. D'accord. Donc ils sont sortis dans le but de prendre la caravane qui contenait toutes sortes de marchandises que les koufars et les mouchriquins avaient pris aux musulmans à Mecca, hein, et pour aller les vendre. Donc ils ont dit on va aller pour prendre cette caravane puis on va la prendre comme butin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti, donc son intention c'était pas de combattre, d'accord, c'était une caravane de marchandises, c'était pas une armée qu'il allait rencontrer. ثم سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بإقبال قريش لحماية العير فماذا يصنع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب بأن قريشا ستخرج وتحمي وتقاتل عن هذه العير، فجاءت قريش بقضها وقاضيها للقتال، فجاءوا للقتال وليس فقط ليخلصوا العير، فأرسل لهم أبو سفيان أنه ساحل ساحل بالعير فنجا، فأرسل لهم أي إلى أبي جهل وكبار قريش وقال لهم إن العير قد نجت فارجعوا، وقال عقلاء قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والأخنس بن شريق شريق وغيرهم من عقلاء قريش قالوا نرجع، وقال أبو جهل أبدا لن نرجع حتى نقاتل أو نقتلهم في بدر ونعزف وتغني علينا النساء ونشرب الخمر حتى يسمع بنا العرب ماذا فعلنا، فما زال ينفخ فيهم حتى عزموا على القتال، فماذا يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم يستشيرهم؟ فكان بعضهم يجادله في القتال، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Le cheikh il dit donc que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que Quraysh envoyait une armée pour protéger la caravane. Donc qu'est-ce qu'il allait faire? Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'inconnu ou l'invisible. Il ne savait pas que Quraysh allait sortir pour protéger et combattre, pour protéger cette caravane. Donc, Quraysh est venu, ils ont amené un grand groupe de personnes avec eux pour combattre. Et ils sont venus non seulement pour protéger la caravane, mais en plus pour combattre les musulmans. Ils sont venus, c'était ça leur intention. Parce que Abu Sufyan, celui qui amenait la caravane, il a dit qu'il avait réussi à passer vers la côte et qu'il était en sécurité et en paix, donc il avait plus besoin d'une armée pour le protéger, donc retournez. Donc il a dit, retournez avec votre armée. Et donc Abu Jahl et les grands de Quraysh, ils ont dit, certains d'entre eux ont dit, on va retourner. Comme Utba ibn Rabi'a et Shaybat ibn Rabi'a et Al-Akhnas ibn Shuraiq, il a dit, et d'autres ont dit, ok, on retourne. Et Abu Jahl, non. Abu Jahl, lui, là, il a insisté, il a dit, non, il faut les combattre. Il faut les tuer à Badr. Et comme ça, on va pouvoir fêter ça par la suite quand on va retourner à Mecca. On va faire de la musique, les femmes vont chanter, et on va boire de l'alcool, et tout le monde va entendre parmi les tribus arabes de l'entourage, vont entendre que on a soi-disant combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Donc il était en train de les pomper, comme on dit, les souffler pour essayer de les gonfler pour qu'ils aient envie de partir et combattre. Et ils se sont décidés finalement à partir pour combattre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il allait faire? Eh bien, le cheikh il dit que il a cherché la consultation, il a consulté ses compagnons pour leur demander qu'est-ce qu'on fait, on combat ou non. Et certains d'entre eux argumentaient et disputaient pour dire que non, il faut pas combattre, on n'est pas venu pour ça. Dans le verset 6 de Sourate Al-Anfal, il dit il dispute avec toi à propos de la vérité après que elle a été clarifiée, comme si on les amenait ou comme si on les traînait vers la mort, alors qu'ils la voient, comme s'ils la voyaient, comme si on les tirait pour les amener à leur mort. Ok, donc il y en a beaucoup qui avaient peur, ils ne voulaient pas y aller. « Unzur hadhihi darba ala sahaba » Mais ça c'est un coup sur les sahaba, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala ici, il critique certains d'entre les sahaba, qui n'ont pas voulu, qui avaient peur du combat, d'accord. فناس يقولون ما عندنا عدة للقتال، ما أعددنا للقتال، ما جئنا للقتال إلى آخره، إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام مصمم على القتال، واستشار أبا بكر وعمر فقالوا نقاتل. قال المقداد: والله يا رسول الله لو أردت بنا برك الغماد لقتلناه، والله لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معك. ارتفعت معنويات بعض الصحابة بعد ذلك، بعد الجدال والأخذ والرد. المهم، هذا نقد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن كان القرآن يسكت، وقد يقول البعض أو بعض الناس ماذا يحصل لو سكت، لكن هذه تربية عظيمة كان لها آثار كبيرة في حياة الصحابة رضي الله عنهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوري بالغزوات، فيخرج بهم وهم لا يعلمون هل يريد القتال أم لا، ثم يقول هذا العدو فيهجمون ويقاتلون، ما يحصل نزاع ولا جدال ولا شيء. Donc le cheikh il dit que c'est un coup donc sur les c'est un coup sur les sahaba, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala les critique parce que certains d'entre eux disaient on n'est pas prêt pour combattre, on n'est pas venu pour combattre, et on n'était pas préparé comme il faut, et beaucoup d'autres arguments. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam était déterminé à combattre. Et il a demandé le conseil de Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, et ils ont dit on combat. Les deux ont dit on combat. Et Al-Muqdad lui, il a dit wallah, au messager d'Allah, si tu voulais qu'on aille combattre à un endroit qui s'appelle Barkul Ramad, on allait y aller. C'est-à-dire un endroit loin au Yémen, je pense. Et après il a dit wallah, si tu nous disais de traverser cet océan, cette mer, pour aller combattre, on serait parti traverser la mer avec toi. Donc c'est pour dire que il y a des sahaba qui étaient déterminés, qui voulaient vraiment suivre la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc l'intention des sahaba ou bien leur envie a commencé à monter pour la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont donc après avoir disputé, débattu fait tout ce débat, et bien finalement ils se sont décidés, puis ils ont dit oui c'est ça y est, on va combattre, d'accord. Donc il dit qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que ça c'est une critique des sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça aurait été possible que Allah subhanahu wa ta'ala n'en parle pas de cet événement-là dans le Coran. Et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu taire cet événement-là et ne pas en parler. Et certains pourraient dire, qu'est-ce qui serait arrivé si Allah n'aurait pas parlé et n'aurait pas critiqué les sahaba à ce sujet-là. Et le cheikh il dit, mais ça c'était une éducation, c'était une façon d'éduquer les sahaba. Et ça a eu un effet et une conséquence très grande sur la vie des sahaba eux-mêmes, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, souvent par la suite, il cachait son intention de combattre quand il partait par la suite. Il sortait avec les sahaba et les sahaba ne savaient pas est-ce qu'il veut qu'on aille combattre ou non. Et lorsqu'ils arrivaient, quelque part, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait voici l'ennemi. Et là, il partait et il attaquait et il combattait. Et il n'y avait aucune dispute, aucun débat, aucun désaccord. C'est-à-dire, ils ont eu l'éducation la première fois, donc par la suite, il n'y avait plus de problèmes, il n'y avait plus de disputes, il n'y avait plus de désaccords. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait quelque chose, ils écoutaient et ils obéissaient. Et le cheikh, il dit par la suite, « في قضية الأسرى بعدما نصر الله رسوله وأظهر على أعدائه قتلوا من قريش 70 وأسروا 70 وأخذ الأسرى وهم متجهون إلى المدينة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيكم في هؤلاء الأسرى؟ وقال والله لو كان المطعم ابن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه. ما رأيك يا أبا بكر؟ ما رأيك يا عمر؟ قال أبو بكر وبعض الناس يا رسول الله هم قومنا وعشيرتنا نأخذ منهم المال نتقوى به ونستعين به لعل الله أن يهديهم في يوم من الأيام إلى الإسلام. وقال عمر يا رسول الله هؤلاء صناديد قريش وما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه أرى أن تمكننا من قتلهم ومن استئصال شأفتهم فإن هؤلاء صناديد قريش إذا قتلناهم لا تقوم للكفر قائمة. نعم donc le cheikh il dit et au sujet des prisonniers après la bataille de Badr après que Allah a donné la victoire aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur ses ennemis et qu'ils ont combattu la tribu de Quraysh, les gens qui étaient venus de Quraysh, hein, ils étaient 1000 contre 300, donc on voit la différence de nombre, mais malgré tout ils avaient réussi à tuer parmi les ennemis 70 et ils ont pris 70 prisonniers. Hein, 70 prisonniers parmi les gens de Quraysh, les mushrikin. Et ils les ont pris alors qu'ils étaient en direction de, ils marchaient en direction de Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, que pensez-vous qu'on doit faire au sujet de ces prisonniers? Il dit, et il a dit, par Allah, si Al-Mut'am ibn Adi était vivant et qu'il me demandait si, il a dit, Al-Natina, c'est-à-dire les gens qui sont mauvais, hein, je lui aurais donné. J'aurais donné à cet homme-là. Probablement que c'était un vendeur d'esclaves, je sais pas, mais j'ai pas trouvé d'explication à ce sujet, qui était Mut'am ibn Adi. Mais bon, on essaiera de trouver ça une autre fois, Inch'Allah, l'explication à ce sujet-là. Toutefois, il dit, que penses-tu, Abu Bakr? Et que penses-tu, Omar? Alors, Abu Bakr et certains d'entre les autres, qui étaient là ont donné leur opinion. Ils ont dit, oh messager d'Allah, ils font partie de notre peuple, hein, ils font partie de notre peuple et de nos familles, de nos proches. Donc, je pense qu'on devrait prendre de leur argent, c'est-à-dire on devrait les échanger comme contre une somme d'argent. Pour, c'est-à-dire on utilise cet argent, on utilisera par la suite cet argent-là pour nous aider dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et, peut-être que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, un de ces jours, il va les guider à l'islam. Ça, c'était la position de Abu Bakr. Toutefois, Omar ibn al-Khattab, lui, il a dit, oh messager d'Allah, ça, c'est les chefs de Quraysh, les plus grands parmi les gens de Quraysh, les plus importants, et ce sont les têtes des mushrikins. Hein? Donc, il dit, selon moi, on doit les tuer. Hein? On doit les exécuter, les tuer, et comme ça, par la suite, ils n'auront plus aucune force, aucun pouvoir, puisque ce sont eux les plus grands parmi les gens de Quraysh, et donc on n'aura plus de problème avec eux. Et le cheikh dit, فَهَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأْيَ أَبِي بَكْرِ رَأْيَ أَبَا بَكْرِ وَمَالَ إِلَى رَأْيِهِ وَأَخَذَ الْفِدَى جاء في اليوم الثاني عمر وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان فقال عمر ما يبكيكما إن رأيت بكى بكيت وإلا تباكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض على قومك والله لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة الحديث في صحيح مسلم. Donc, وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لا نعم لا لولا كتاب من الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا نقد وتوجيه وتربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رأوا الفداء وعمر رأى غير ذلك وجاء الصواب لمن لعمر. donc le chef il dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'opinion de Abu Bakr, hein, et il a donc accepté de prendre la rançon, l'argent, en échange des prisonniers. Donc le lendemain, Omar ibn al-Khattab est arrivé, il a trouvé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, les deux en train de pleurer. Alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, qu'est-ce qui vous fait pleurer vous deux? Si je vois que c'est quelque chose qui va me faire pleurer, je vais pleurer. Mais sinon, je vais me forcer à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu que, donc le frère, comme il nous dit, Tariq, il dit que ça c'est que quand Omar a demandé cette question, il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui le faisait pleurer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu qu'il a pleuré parce qu'il a vu le châtiment que Allah leur avait préparé, comme s'il voyait, comme il voyait l'arbre qui était devant lui. Et donc c'est pour dire que le châtiment du fait qu'il a accepté la rançon pour avoir, le fait qu'il a accepté la rançon pour les mushrikin, en voulant dire que c'était une erreur, hein, et donc il pleurait à cause de ça. Et non, oui, c'est l'aïe 68 dans surat Al-Anfal, et il y a le verset 67 aussi, 67 et 68 juste après, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre, il n'appartient pas que le messager prenne des prisonniers jusqu'à ce qu'il ait prévalu sur la terre. Hein? Vous voulez une partie de la dunya, alors que Allah subhanahu wa ta'ala veut lui l'au-delà. Et Allah est certes puissant et sage. Donc c'est pour dire que tu peux pas prendre des prisonniers, il pouvait pas prendre des prisonniers jusqu'à ce qu'il ait pris ou eu une position ou une autorité sur la terre. Mais avant ça, c'est pas possible, c'est pas permis de prendre des prisonniers lorsque les musulmans, les croyants sont faibles. Parce que les croyants, ils vont souffrir de ça par la suite. Parce que les gens de Quraysh, les musulmans sont peu nombreux, et les gens de Quraysh sont très nombreux, et s'ils les libèrent, ben, ils vont revenir par la suite pour tuer encore des musulmans. Donc, c'était pas la bonne position, c'était pas le bon choix de les avoir laissés partir. Et le verset qui venait après, le verset 68, n'eût-il été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala les aurait punis pour d'avoir pris cette rançon-là, mais il avait déjà écrit autrement. Et donc c'était une indication et une éducation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que pour ses compagnons, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr ont vu ou ont pris l'opinion qu'il fallait aller prendre l'argent en échange des prisonniers, tandis que Omar, lui, a vu une autre opinion que ça. Et qui est-ce qui avait la bonne raison? Qui est-ce qui a eu, alaykoum salam, qui a eu raison et qui a eu la bonne position? C'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc il dit, « Wa ayatun kathira fi hadha al-naqd. » Fi hadha al-naqd. « Naqd al-kuffar, naqd al-yahoud, naqd al-nasara, نقد المشركين نقد الصحابة نقد المنافقين آيات كثيرة كلها في بيان في البيان والنقد والتوضيح وفي السنة شيء كثير كذلك. الشيخ il y a beaucoup de versets comme ça à ce sujet-là, hein, qui montrent des critiques, et dans, à propos de d'autres sujets aussi, il y a de la critique dans le Coran. Tu retrouves la critique, plein de critiques, la critique des kuffars, la critique des juifs, la critique des chrétiens, la critique des idolâtres, des mouchriquines, la critique des sahaba, la critique des munafiquines, des hypocrites. Hein? Donc il y a beaucoup de versets qui sont tous pour clarifier et critiquer et expliquer les différentes choses de ce genre. Et dans la sunna, il y en a beaucoup également. Donc le cheikh ensuite dit فمثلا من القرآن قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء المنافقون يعتذرون فيقولون يا رسول الله أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، وهذا يقول أنا مريض، والرسول صلى الله عليه وسلم يعذرهم، والأعذار هذه كلها أكاذيب، فأنزل الله هذه الآية عفى الله عنك. Donc le cheikh il dit comme par exemple Allah il a fait descendre dans le Coran le verset 43 dans sourate At-Tawba qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné la permission de ne pas aller au combat avant que tu ne puisses distinguer ceux d'entre eux qui disaient la vérité de ceux d'entre eux qui mentaient, hein? Donc le cheikh il dit que ça c'est une ijtihad, hein, c'est un effort de jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que les hypocrites sont venus pour demander l'excuse, hein, au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant il y a au messager d'Allah, moi j'ai telle ou telle chose, je ne peux pas partir au combat, ça c'était dans la bataille de Tabouk, hein, je suis malade. L'autre il vient et dit ah, je peux pas sortir, je m'excuse, je peux pas partir, parce que Tabouk c'est très loin de Médine dans le nord, donc il devait partir puis traverser le désert presque, il faisait très très chaud, c'était durant l'été, hein, et il devait aller affronter qui? Les Romains, hein, c'est une puissance à l'époque. Donc il y a beaucoup de gens qui voulaient pas y aller parmi les munafiqins, ils craignaient de s'en aller dans cette bataille, et c'est pour ça que Allah a fait descendre sur At-Tawba, le verset 9, hein, le Coran. Et donc vous allez trouver dans ce verset-là la description de beaucoup de choses qui font partie des caractéristiques des munafiqins. Et donc comme dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, pourquoi, qu'Allah te pardonne, pourquoi leur as-tu donné la permission de ne pas partir au combat, etc. Donc, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait accepté leurs excuses, malgré que toutes leurs excuses étaient des mensonges, c'était juste des prétextes pour pas sortir, hein. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre, hein, Ashallahu anka, c'est-à-dire qu'Allah te pardonne. T'as trouvé des... Ah, ok, barakallahu fik. Yani, هذا درس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة إلى الأبد. Donc ça c'est une leçon pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et pour la Ummah en entier jusqu'à la fin des temps. Elle reste dans le Coran cette leçon. ثم أنزل في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله وقال يا رسول الله أبي توفي وأريد أن تكفنه بثوبك، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوه وأخذ ثوبه وكفنه به وأجلسه على ركبتيه وكفنوه وحنطوه وأنزله في القبر ودفنه. ولما قام يصلي عليه قال عمر يا رسول الله أتصلي عليه؟ ومسك ثوبه وقد قال يوم كذا وكذا كذا وفعل وقد قال يوم كذا وكذا أو وقد قال يوم كذا كذا وكذا وفعل يوم كذا كذا وكذا. قال إن الله أخبرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. والله لو علمت أني أستغفر لهم أكثر من سبعين مرة ويغفر الله لهم لاستغفرت لهم. Donc ici il y a un autre exemple que le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a envoyé, lui a révélé un verset, le verset 80 dans sourate Tawba à propos des munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala justement à propos de ceux qui ont été parmi les munafiqin et ceux qui n'ont pas participé, qui ne voulaient pas aller au combat et d'autres choses de ce genre. Donc Allah a révélé, demande pardon, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas pardon pour eux, c'est égal. Même si tu demandais 70 fois pardon pour eux, Allah ne va pas les pardonner. Hein? Donc, c'est pour dire que, peu importe combien de fois tu vas leur demander, c'est pas accepté, ce sera pas accepté. Et lorsque Abdullah ibn Ubay c'était le chef des munafiqin à Médine. Donc quand Abdullah ibn Ubay, après il est mort, son fils est venu, Abdullah. Et il lui a dit au messager d'Allah, mon père est mort et je voudrais que tu l'enveloppe, hein, comme tu fasses l'embaumer ou l'envelopper dans un drap, mais qu'on utilise ton vêtement, oui, comme linceul, on utilise ton vêtement comme linceul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'accord. Alors ils sont sortis avec son vêtement pour l'envelopper et pour faire la janaza et tout, hein, ils l'ont mis dans la tombe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour faire la prière, le dua pour lui. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, est-ce que tu vas prier sur lui? Alors il tenait son vêtement, il tenait le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, est-ce que tu vas prier sur lui alors que tel jour il a dit telle et telle chose, et tel jour il a fait telle ou telle chose, en voulant dire que c'était un munafiq, il a fait des choses contraires à la foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec le verset 80 en disant dans surat Tawba, que tu demandes pour eux pardon, que tu ne demandes pas pardon pour eux, même si tu demandes pardon 70 fois, Allah ne va pas les pardonner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je savais que si j'allais prier sur eux plus que 70 fois, Allah allait les pardonner, alors j'allais faire plus que 70 fois. C'est-à-dire, Allah a dit 70 fois, donc si je savais que si je fais 71 ou plus, Allah va accepter leur pardon, j'allais le faire 70 fois ou plus. Et le cheikh, il continue à expliquer, et il dit, ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim en passant, et Al-Tirmidhi et Al-Nasa'i et Ibn Majah et Ahmad aussi. Après il dit, فالرسول عليه الصلاة والسلام فهم التخيير فأنزل الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé par la suite le verset 84 dans sourate At-Tawba, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris qu'il avait le choix de prier sur eux ou non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par la suite ce verset-là, le verset 84 dans sourate At-Tawba, ne prie sur aucun d'entre eux, hein, lorsqu'il meurt, et ne te tient pas, hein, pour faire un doigt à sa tombe, ou pour prier sur lui. Et donc ça c'est le verset 84. Et وقال سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Ça c'est le verset 113 dans sourate At-Tawba. C'est-à-dire il n'est pas permis aux messagers et aux croyants et à ceux qui ont cru de chercher, de demander pardon pour les mushrikines qui après leur mort, hein, même si ce sont de leurs proches, des gens de leur famille, de leurs proches. Donc on n'a pas le droit de demander pardon pour un mushrik après sa mort. Donc ça c'est une interdiction claire par la suite pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne demande plus pardon ou ne prie plus pour les munafiqin et pour les mushrikin. Donc وكل هذا فيه توجيه ولو للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرها إذا ما وافقت ما عند الله كاجتهاد حصل فيه خطأ يأتي والله التوجيه والعتاب والتصحيح ما يقال فيه إيذاء لشخص محمد صلى الله عليه وسلم أو قال أنا رسول الله لا يعترض علي لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا لكتم هذه الأشياء كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمدا كاتما شيئا لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه في قضية زينب. انظر هذا النقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit donc il y a une orientation hein, même pour le messager sallallahu alayhi wa sallam hein, dans ses attitudes, dans son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas par exemple si le messager sallallahu alayhi wa sallam fait une erreur dans son jugement, Allah subhanahu wa ta'ala vient et il le corrige et il le blâme et il lui montre la bonne chose, le bon chemin, la bonne chose à faire. Et on ne dit pas à ce sujet là il y a du tort qui est fait à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant ça, ou bien on ne dit pas il ne disait pas lui-même je suis le messager d'Allah et on ne doit pas s'opposer à Allah, en voulant dire personne ne peut s'opposer à moi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le corrige hein. Il n'est pas dans la transmission du message il est infaillible et il ne fait pas d'erreur, mais en dehors de ça s'il se corrige, Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de ça, s'il se trompe dans un jugement, Allah le corrige. Allah le corrige. Il ne peut pas se tromper dans un jugement sans que Allah le corrige. Et à chaque fois qu'il a fait une erreur dans son jugement, à chaque fois Allah l'a corrigé. À chaque fois. D'accord? Et ça c'est dans le but de l'orienter et de l'éduquer et de lui montrer la bonne voie pour les mu'minines, pour les croyants. Donc il dit, et si le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu cacher quelque chose, il aurait caché ces choses-là, mais il ne les a pas cachées, parce qu'il montrait à tout le monde ce que Allah a révélé. Hein? Et Aïcha radiallahu anha, elle a dit elle-même, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devait cacher quelque chose, il aurait caché le verset 37 dans Surat al-Ahzab, hein, le verset qui parle au sujet de Zayd, qu'il avait épousé Zaynab et qu'il voulait la divorcer, et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui disait de la garder, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et tu cachais en toi-même ce qu'Allah a fait montrer par la suite, et tu crains les gens alors que Allah mérite plus d'être craint. D'accord? Donc, ça c'est à propos de l'histoire de Zaynab, et donc, c'est un signe, une preuve en même temps, que cette révélation-là, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient pas du messager sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est pas quelque chose que le messager il a inventé. Parce que si c'était quelque chose qu'il a inventé, comment on aurait pu comprendre ces genres de critiques et blâmes à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'aurait pas montré ces choses-là. Hein, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait au contraire caché ces choses-là. Mais étant donné que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la preuve que ça, c'est une parole qui lui est révélée, et il ne fait que la transmettre. Et donc le cheikh il dit, regardez donc, ça c'est une critique du messager sallallahu alayhi wa sallam, de la part d'Allah. Et le cheikh il dit, وَكَانَ الصَّحَابَ يَنْتَقِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى الْمَرْأَةَ تُنْقِدْ فعائشة رضي الله عنها كانت تنتقد وتصحح فألفوا كتابا في تصحيحها للصحابة ونقدها لهم، وتعرفون الذي ألفه الزركشي، وكان عمر ينتقد وينتقده عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيره وعمر كان ينتقد، وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك رحمه الله. Donc le cheikh il dit que les sahaba ils se critiquaient les uns les autres et ils se réfutaient les uns les autres, hein? Même la femme elle critiquait, même la femme elle critiquait, bien entendu avec elle. Aïcha radiallahu anha, qui était une des grands savantes de la une des plus grandes savantes de l'islam, une des plus grandes savantes de la umma, eh ben, elle critiquait les autres sahaba, les hommes parmi les sahaba, elle les critiquait et elle les corrigeait dans plusieurs questions quand ils se trompaient dans la religion, elle les critiquait. Hein? Et il y a même un livre qui a été écrit à ce sujet-là de la part des ulama qui montre les corrections et les critiques de Aïcha radiallahu anha pour les sahaba, hein, il est écrit par Az-Zarkashi. Donc, c'est un exemple à ce sujet-là. Et Omar, il se faisait critiquer, Omar ibn Khattab, il se faisait critiquer par d'autres sahaba, comme Amran ibn Hussein et Ali ibn Abi Talib, et d'autres, et d'autres. Hein, et Omar, hein, il critiquait d'autres sahaba aussi des fois. Donc, chacun, on peut prendre la parole de tout le monde, ou la rejeter, excepté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il n'y a personne qui est au-delà de la critique. Toute personne, hein, yu'khaz min qawlihi wa yurad. On peut prendre la parole de quelqu'un ou la rejeter, excepté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la parole de l'imam Malik, rahimahullah. Et il dit, وَجَاءَ مَالِكَ يَنْتَقِدُ شُيُوخَهُ وَيَنْتَقِدُ الْعُلَمَا وَيُجَرِّحْ وَيُضَعِفْ وَجَاءَ الْأَئِمَّةُ وَتَوَالَوْا عَلَى هَذَا وَأَلَّفُوا فِي هَذَا الْمُؤَلَّفَاتِ الْكَثِيرَةَ الْغَزِيرَةَ وَالنَّقْدُ يَكُونُ لِتَنْقِيَةِ النَّاسِ قَدْ يَكُونُ نَقْدًا لَهُمْ وَقَدْ يَكُونُ بيانا لأخطائهم أو لضلالهم فهذه الأمور جاء بها الإسلام فحرم الأموال والدماء والأعراض كما قلنا ولكن الدم يباح إذا كان قاتلا للنفس والثيب الثاني والتارك لدينه المفارق للجماعة وهذه الأشياء تبيح دمه. Donc le cheikh il dit que l'imam Malik, hein, il critique ses cheikh. Des fois, il critiquait ses chouyours, hein, et il critiquait des ulama, et parfois, il faisait le jah de certains narrateurs, de certains de ses chouyours, et des fois, il faisait la correction, et des fois, il déclarait qu'ils sont daïfs, faibles, hein, et des imams sont venus, ils se sont succédés, et ils ont écrit des volumes et des livres sur ce sujet-là, et beaucoup de livres à ce sujet-là. Donc, la critique, c'est parfois faite dans le but de, disons, purifier les gens, de les corriger, hein. Des fois, c'est une critique de leur personne, des fois, c'est une critique, une clarification de leurs erreurs et de leurs égarements. Donc, tout ça, ça a été amené, et ça a été amené par l'islam, hein. Donc, Allah, comme le cheikh avait expliqué, comme on a parlé de ça au dernier cours, Allah a interdit, comme on avait dit, nos biens, nos saints et nos honneurs, comme il a rendu sacré Mecca et le jour de Arafat et le mois de Dhul-Hijjah, comme il disait dans le khutbah de Al-Wada'. Donc, la même façon, nos saints, nos biens et nos honneurs sont sacrés et sont haram l'un pour l'autre d'entre nous. Hein? Sauf que, le cheikh il dit, toutefois, si quelqu'un a tué, ou si quelqu'un est marié et qu'il commet l'adultère, ou si quelqu'un a abandonné sa religion, il a apostasié, ou qu'il s'est séparé de la jama'a, et bien la punition pour des exemples de péchés de ce genre et de crimes de ce genre, c'est la mort. Et donc son sang dans ce cas-là, même s'il est musulman, même s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, pour des cas comme celui-là, son sang devient halal dans un cas pareil. Et c'est le dirigeant dans un pays musulman, donc il juge selon la charia, ça fait partie des peines qui doivent être appliquées sur des gens qui ont commis ce genre de crime, selon les règles et les conditions de la charia. Donc, ça, c'est pour dire que c'est vrai que le sang est sacré, le sang d'un musulman est sacré, toutefois, il faut prendre en considération les autres aspects de la charia. Hein, et comprendre que des fois il y a certaines choses qui font en sorte que son sang sort de cette limite de ce qui est considéré comme étant sacré parmi le sang des croyants. Hein. Donc celui qui fait le zina, c'est un musulman. Il fait le zina avec une femme, il est déjà marié, il fait le zina avec une autre femme. Donc ça veut dire qu'il est musulman, il ne devient pas kafir, il reste toujours musulman. Parce que c'est un péché, c'est pas un kufr. Toutefois, son sang devient halal à cause de ce péché-là, hein, et c'est aux dirigeants d'appliquer sur eux la peine islamique à ce sujet-là, et donc ainsi de suite. Donc le cheikh dit « فَالَّذِي يُخْطِي وَيَضِلْ يهدر عرضه فيبين ذلك ولكن بشرط أن يكون البيان نصيحة لله وأن يكون الناصح قصده بيان الحق وتحذير الأمة من الوقوع في الخطأ ومن الوقوع في الضلال فهذه الشروط لا بد منها الشيخ dit donc celui qui fait une erreur ou qui s'égare eh bien on a le droit d'atteindre son honneur comme on a le droit d'atteindre le saint comme le saint d'une personne qui a commis l'adultère ou la fornication des choses de ce genre eh bien il n'a plus ce respect à cause de ces péchés là Eh bien, la même chose pour celui qui a fait des erreurs, qui s'est égaré, eh bien, il dit son honneur, dans ce cas-là, elle n'est plus protégée à cause de ça. Mais avec une condition. La condition, ou bien avec des conditions, c'est que ce soit fait dans le but de clarifier et de donner une nasiha pour Allah subhanahu wa ta'ala. وعليكم السلام ورحمة الله de donner le bon conseil de donner la nasiha pour Allah pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et il faut que la personne qui donne cette nasiha son intention soit dans le but de clarifier la vérité et d'avertir la umma pour que la umma ne tombe pas dans l'erreur et pour que la umma ne tombe pas dans l'égarement voilà la condition qu'il faut absolument respecter, d'accord? Des fois, par exemple, une personne fait une erreur ou bien s'égare sur certaines questions, des gens disent, tu donnes la nasiha à la personne, d'accord? Et la personne, des fois, elle est morte déjà, d'accord? Des fois, la personne est morte, il y a un savant qui écrit un livre sur ses erreurs, pour avertir la Ummah, pour les protéger, pour pas qu'ils tombent dans l'erreur de cette personne. D'accord? La nasiha, c'est pas seulement pour la personne qui a fait l'erreur elle-même, mais c'est aussi pour tous les autres qui risquent d'être influencés par cette erreur-là. D'accord? Et si toi tu donnes la nasiha à une personne qui a une influence sur la société musulmane, sur les musulmans, qui propage des choses contraires aux croyances de l'islam, aux fondements de la sunna, aux fondements de l'aqida, ou des choses qui sont en contradiction avec les principes de base de l'islam, et il propage ça parmi les musulmans et il parle ouvertement de ces choses-là, eh bien, ces idées-là se propagent. Et si on ne les clarifie pas, puis on ne réfute pas ces idées-là, et qu'on n'avertit pas la Ummah contre les erreurs de cette personne-là, eh bien, on risque par la suite de voir que ces bid'as vont se, ou ces erreurs vont se propager, et que les gens vont être de plus en plus déviés et égarés à cause de ça. Donc, c'est sûr que à la base, tu vas donner la nasiha à la personne qui a fait l'erreur, mais lorsque la personne refuse d'accepter son erreur, et refuse de se corriger et de revenir sur sa position, et bien là par la suite tu vas donner la nasiha pour avertir les autres personnes pour ne pas qu'ils tombent dans cette erreur-là. Bon, il y a beaucoup de détails là-dessus, le cheikh il va en parler plus tard dans le livre Inch'Allah. Le cheikh il dit par la suite, ثم قلنا إن القرآن فيه نقد كثير للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولغيرهم من المشركين وكفار ومنافقين وغيرهم فنقد كثير في القرآن وهذا المنطلق ومن هذا المنطلق فنقد كثير في القرآن من هذا المنطلق من هذا المنطلق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب بيان الخطأ وإظهار الحق donc le cheikh dit que dans le Coran il y a beaucoup de critiques comme on a dit du messager sallallahu alayhi wa sallam des sahaba et d'autres parmi les gens comme par exemple les mushrikines les kuffars les munafiqines et d'autres encore et la critique dans le Coran part de ce principe-là et de cette base-là, c'est-à-dire de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, d'ordonner le ma'ruf et d'interdire le munkar. Et c'est dans le but de clarifier l'erreur et de montrer la vérité. Hein? Donc, le cheikh, il essaie de nous faire comprendre ce point-là, c'est très important. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des erreurs des mushrikins et de leurs shirk et de leurs paroles qui sont fausses, hein? Il y en a des gens qui disent, parlent du bien seulement, n'expliquent pas aux gens le mal et les erreurs. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas seulement clarifié le tawhid en juste clarifiant ou en disant adorer Allah. Et il a aussi expliqué en même temps la fausseté du shirk et l'erreur du shirk, hein, pour que les gens sachent non seulement le bien qu'il y a dans le tawhid, mais aussi le mal qui existe dans le shirk, pour qu'ils puissent s'en écarter, hein, et comprendre le bien et le mal. Et il a parlé aussi des erreurs des juifs, et des erreurs des chrétiens, et des erreurs des mushrikins, et des erreurs de certains musulmans, parmi les sahabas à l'époque. Et tout ça, c'est dans le but de nous corriger, et de nous montrer les erreurs, dans le but de les éviter. Dans le but de les éviter. نعم الإكزاب ده حذيفة ابن اليمان كان الناس يسألون عن الخير وأنا كنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه نعم أو أن يدركني فسلم الصحابي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إكزاكتما فسلم بو إكزاب إذن في هذا السنس لا إكم Ça a été expliqué dans d'autres livres du Cheikh Arabi. Il a expliqué que, par exemple, vous voyez, par exemple, dans le Coran, quand on parle des mushrikins, on parle des walaikum salam, quand on parle des kuffars, quand on parle des munafiqins, Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne jamais du bien à leur sujet. Il ne mentionne que des choses négatives et mauvaises. Dans le but d'avertir les musulmans de ne pas tomber dans le kufr et dans le shirk. Parce que, regardez par exemple Pharaon, regardez par exemple Abu Jahl, Abu Lahab par exemple. Abu Lahab, il y a une sourate qui parle juste de Abu Lahab. Regardez d'autres exemples des juifs ou des chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala parle toujours de ces gens-là en général pour montrer le mal qu'ils ont. Et ça, c'est dans le but que les musulmans s'écartent de ce mal-là. C'est sûr que Pharaon, c'est vrai qu'il était mauvais, mais c'est sûr quand même il a fait du bien dans sa vie. Ça se peut pas qu'il a juste fait du mal, hein. C'est vrai que peut-être qu'il était bon avec, peut-être qu'il était bon envers sa femme, peut-être qu'il était bon envers ses amis, peut-être qu'il était bon envers ses voisins. Peut-être qu'il a fait des bonnes choses durant sa vie, il n'a pas juste fait du mal. Mais étant donné que le kufr qu'il avait était tellement grand, que ça efface tout, ça passe par-dessus tout le bien qu'il a pu faire. Hein? La même chose pour Abu Lahab. Hein? Les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient connus pour leur courage, leur générosité, leur beaucoup de choses de ce genre qu'ils aimaient faire preuve de, quand ils avaient un invité, il faisait la charité, beaucoup de bien. Mais Allah ne mentionne rien de ça, rien de leur qualité. Pourquoi? C'est parce que c'est pour nous faire comprendre que ces gens-là sont sur le shirk, ils sont sur le kufr, et donc le bien qu'ils peuvent avoir fait, ce n'est rien par rapport à la gravité de leur péché et la gravité de leur mécréance. Et ça, c'est la base. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des groupes et des individus qui, quand ils parlent de l'islam, ils disent par exemple, il faut regarder, il faut pas détester la personne, il faut détester l'acte. Hein? Ça, c'est une de leurs principes et une de leurs théories, hein, philosophiques qu'ils ont inventées. Hein, et bien entendu, c'est contraire au Coran et à la Sunna. Et aussi, ils disent, par exemple, il faut pas juste voir le mal, il faut voir le bien aussi. Et quand ils jugent les individus, ils disent ça. Et quand ils jugent les États ou les pays musulmans, ils utilisent le même principe. Sauf qu'ils ne prennent pas en considération le tawhid, c'est les bases de la foi. Donc quand ils regardent une personne, ils ne prennent pas en considération le fondement et la base, comme étant par exemple le tawhid, et le shirk, le kufr. Ils regardent seulement les actions. Et donc, ils voient, ah, celui-là, il fait du bien, il aide les pauvres, ah, il faut voir ça. Et ils ne prennent pas en considération qu'il a le shirk, c'est un mushrik. Et l'autre qui est musulman, qui est muwahid, il ne fait pas le shirk, et il est sur la sunna, mais il a des injustices ou des péchés, ils oublient tout le bien qu'il a fait, même qu'il a le fait qu'il est la base de la foi, ils le négligent, comme si c'était un détail insignifiant, et ils vont juste prendre en considération les péchés de cette personne. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas la base. Pour eux, l'aqidah, ce n'est pas le fondement le plus important dans une personne. Hein? Et c'est pour ça donc que quand quelqu'un fait une erreur dans l'aqidah, c'est pas grave, il fait du bien. Hein? Il a des paroles de shirk, il a des paroles de kufr, contraires au fondement de la foi dans l'islam, c'est pas grave, il fait du bien, il a fait du bien. Hein? Et quand c'est un kafir, hein, la même chose, il le juge comme si. Quand c'est un musulman, il renverse l'affaire. Le tawhid, il a la foi, il est sur la sunna, mais il a des péchés. Ah, il n'est pas bon. On le rejette. Donc c'est comme si nous, musulmans, lorsqu'on analyse ces choses-là et ces questions-là dans la critique, on doit mettre la question de manhaj et de aqida à la base de notre jugement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se trompent dans cette question-là, et ils font des erreurs dans leur jugement sur les individus, parce qu'ils ne prennent pas en considération les fondements du tawhid et les fondements du manhaj et de l'aqidah. Hein? Ils ne comprennent pas que, par exemple, le shirk, ça efface toutes les bonnes actions d'une personne. Ils ne comprennent pas que la bid'ah, c'est pire qu'un grand péché. Hein? Un mubtadi' qui a une barbe jusqu'à son ventre et qui a qui pratique la prière de la nuit, chaque nuit il prie, il fait les cinq prières, il fait le jeûne, il lit le Coran chaque jour, un juz par jour ou plus, et qui fait des bid'ah, hein, et l'autre qui est musulman mais qui prie cinq prières par jour mais qui boit un peu d'alcool ou bien qui fait zina, ben celui qui fait quelques péchés, qui fait ces péchés-là, mais qui est sur la sunna, il ne fait pas de bid'ah, il est meilleur que l'autre qui a sa barbe et qui est religieux, mais qui fait des bid'ah. Parce que la bid'ah, c'est plus grave que tous les grands péchés. Hein? La personne qui fait une bid'ah, elle croit qu'elle se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant cette bid'ah. Et donc, elle s'imagine qu'elle fait du bien. Elle ne veut pas s'en repentir. Hein? Tandis que l'autre qui fait une kabira ou un grand péché, il sait que ce qu'il fait c'est haram. Et il aura l'intention de s'en repentir. Mais l'autre qui fait la bid'ah, comment il va vouloir s'en repentir s'il pense qu'il est en train de faire le bien? Et non seulement ça, il est en train de légiférer dans la religion d'Allah. Il est en train de légiférer, de rendre halal ce qui est haram. Hein? الله سبحانه وتعالى يزيد القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله est-ce qu'ils ont dans la religion ils ont mis dans la religion des partenaires à Allah سبحانه وتعالى qui légifère pour eux ce que Allah n'a pas permis. Donc c'est pas juste la question de voir que ah la personne elle fait du bien, non, mais elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, elle pense que c'est du bien mais c'est en contradiction avec la sunna. Et celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, il ne sera pas accepté, même si la personne s'imagine faire du bien. D'accord? Donc ça c'est un exemple aussi. Et si on a compris ce fondement-là, par la suite, c'est bien facile, et c'est très facile de comprendre les erreurs de certains par la suite, quand on leur parle de certains individus, et qu'on les critique pour les erreurs qu'ils ont dans leur aqidah ou dans leur manhaj. Il y a des gens, on dirait que peu importe qu'est-ce qu'ils disent, ils sont intouchables. Peu importe qu'est-ce qu'ils font de contradiction à l'islam, ils sont intouchables. C'est-à-dire, ils disent des paroles de kufr, Ils disent des paroles de shirk. Ils défendent des principes et des idéologies contraires au fondement de l'islam. Ils font des bid'ah et ils défendent des bid'ah. Et c'est comme si on dit, yani, c'est des erreurs. Oh, mais ça c'est, yani, c'est comme s'ils sont intouchables. Il n'y a rien qui peut leur faire du tort. Et il y en a qui disent, par exemple, en tout cas, je lisais un livre tout à l'heure justement, une réfutation du Cheikh Rabi à propos d'une règle que Abul Hassan al-Ma'ribi a inventée. C'est « Nussahih wa la nahdam ». On corrige mais on ne détruit pas les personnes. Donc, yani, si quelqu'un fait une erreur ou deux, puis yani, il se trompe, il ne faut pas détruire la personne, il faut juste corriger son erreur. Et le Cheikh, il a répondu à cette qa'ida, il a dit, les salafs, parmi les imams des salafs, ils ont critiqué des individus pour une seule erreur qu'ils avaient faite dans le manhaj ou dans l'aqida. C'est pas la quantité d'erreurs qui fait la gravité de l'erreur. C'est pas le fait que tu fasses une centaine d'erreurs, tu dis, ok, là t'as fait 100 erreurs, si t'en fais 101, là, t'es en dehors du manhaj. Non! C'est pas une question de nombre, c'est une question quelle erreur tu fais, quel genre d'erreur, hein. Et est-ce que c'est des erreurs dans des questions d'ijtihad, ou c'est des erreurs dans les questions des choses qui ne font pas partie d'ijtihad, qui sont en contradiction avec les fondements dans le Coran, contraires au Coran, à la Sunna, à l'Ijma, à les Salaf. Et toi tu viens et tu les supportes, et tu inventes des bid'ah puis tu les défends. Ça, t'as juste à en faire une seule puis ça suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à propos des Khawarij? Il a dit, ils priaient, il a dit aux sahaba, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Et votre jeûne, vous allez mépriser par rapport à leur jeûne. Et leur lecture du Coran, quand vous allez comparer à votre lecture, vous allez dire, nous on fait rien par rapport à eux. Et malgré tout, ils sortent de la réunion comme une flèche sort de son arc. C'est pour dire que, c'était quoi leur erreur? Hein, leur erreur, c'était de dire celui qui fait un péché, il est kafir. Celui qui fait un grand péché, il sort de la foi. Ou bien de prendre les armes contre le dirigeant, parce qu'ils ont vu qu'il a fait une injustice. C'était juste, il suffisait de ça pour qu'il sorte de la sunna, et pour qu'il devienne des muqtadi'a. Al-Qadariya, hein, ils ont un problème dans Al-Qadar. Ils sont sortis d'Ahl Sunna à cause de ça. Al-Jahmiya, les ulama les ont déclarés koufars parce qu'ils ont nié les noms et les attributs d'Allah. Et les Mu'tazila, pardon, bien sûr, ça veut dire que cette règle-là de dire qu'il ne faut pas que ce soit juste une ou deux erreurs pour que tu puisses sortir quelqu'un d'Ahl Sunna, ça c'est faux cette règle-là. Ce n'est pas le nombre. Non. Donc l'imam al-Bukhari a vu cet homme-là faire ça, et à cause de ça il a dit, oui c'est ça. Donc les salafs ils étaient comme ça, ils étaient très stricts pour juger entre les rois. Là, comme Cheikh Rabi il a dit, premièrement c'est pas le bon terme d'utiliser ce terme-là comme on détruit pas la personne. C'est pas le bon terme. Je me rappelle plus les détails de la réponse, comment tout ce qu'il a expliqué, mais il a corrigé. De toute façon, lorsqu'on termine ce livre-là, Inch'Allah, on va faire les autres, quelques autres rasa'il du Cheikh, puis on va expliquer les détails de ça. Sinon, non, Inch'Allah. Parce que il y a certaines questions sont clarifiés, des fois ça crée des, sinon ça fait des choubouhat, comme par exemple souvent les gens de Bid'ah, ils amènent toujours cet exemple-là. L'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Hajar, ils avaient des erreurs dans l'aqidah, donc est-ce qu'on va rejeter toute leur science à cause de ces erreurs-là? Et les ulama, ils ont répondu à ce sujet-là, hein, ils ont répondu à ce sujet-là, et puis c'était des grands ulama, ils ont défendu le Coran, ils ont défendu la Sunna, ils ont défendu le manhaj des salafs. Et c'est vrai qu'ils ont des erreurs des Asha'ira dans leur Aqida, sauf que ce sont parmi les Asha'ira ceux qui ont le moins d'erreurs parmi eux. Hein? c'est eux qui ont, et même ils ont contredit la Asha'ira sur plusieurs des croyances des Asha'ira. Et ils ont défendu la position des salafs. Et le ilm qui est dans leurs livres, par rapport aux erreurs qui sont dedans, sont insignifiantes. Contrairement aux livres des gens de bid'a, qui sont remplis de bid'a du début jusqu'à la fin. Hein, et qu'il y a quelques fawa'id dedans, que tu peux bien t'en passer, et tu peux bien les trouver ailleurs que dans leurs livres à eux. Donc, il y a des différences. C'est pas comparable, ces deux exemples-là. Mais on y reviendra, Inch'Allah. Donc, juste pour compléter, juste pour que on finisse avec une dernière partie du livre du Cheikh, il dit, ok, ثم وقلنا إن علماء الإسلام عرفوا هذا ووضعوا قواعد في الأصول وقواعد للحديث للحفاظ على كتاب الله الذي تعهد الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله سبحانه هيأ هذه الأمة كلها لحفظ هذا الدين فهذا يؤلف في اللغة لخدمة القرآن وهذا يؤلف في معاني في المعاني والبيان وهذا يؤلف في أصول الفقه وهذا يؤلف في الفقه وهذا يؤلف في الرجال وهذا يؤلف في الناسخ والمنسوخ كل هذه من الوسائل ومن الأسباب التي حفظ الله بها هذا الدين والذي له صلة بكلامنا هذا النقد فكم ألفت في نقد الرجال عند أهل الحديث وكم رد الفقهاء بعضهم على بعض وكم رد الأصوليون بعضهم على بعض وكم رد اللغويون بعضهم على بعض وكل هذا لخدمة الإسلام ولبيان الحق وهذه الجهود كلها بهذه الأعمال المخلصة إن شاء الله وقد يكون هناك من ليس بمخلص ولكن الغالب على علماء الأمة إن شاء الله الإخلاص والصدق والنصح فهذه الجهود كلها ليحقق الله تبارك وتعالى فيها وعده بحفظ هذا الدين التي تميزت به هذه الأمة على سائر الأمم لأنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. Donc le Cheikh il dit, on va terminer avec cette citation aujourd'hui, avec cette partie-là aujourd'hui, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, on a dit que les ulama de l'islam, hein, ils ont donc bien compris ce principe-là et ils ont donc établi des règles et des fondements, hein, et des principes à suivre pour le hadith, pour préserver le Coran, hein, qu'Allah a promis et s'est engagé à préserver. Il dit dans Surat al-Hijr, dans le verset 9, hein, nous avons fait descendre le rappel à Zikr, et certes nous allons le préserver. Donc ça implique la préservation du Coran et de la Sunna également. Et non pas comme certains pensent que ça implique uniquement la préservation du Coran. Ça c'est faux, parce que le Coran, la Sunna est l'explication du Coran. Et donc Allah a préservé non seulement le Coran mais aussi la Sunna. Et de préserver le Coran sans la Sunna, ça veut dire que le Coran n'est pas préservé. Parce qu'on a besoin de la compréhension et de l'explication du Coran. Et ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la religion en entier. Le Cheikh dit que Allah a donc fait en sorte qu'il y ait pour cette Ummah, hein, une protection de la religion et que cette religion-là soit préservée. Et donc, certains ulama ont écrit dans les règles de la langue arabe pour servir le Coran. Hein. On a besoin de connaître la langue arabe pour connaître la signification des versets du Coran. Parce que sans la langue arabe, on ne peut pas approcher le Coran comme il faut. Donc, ils ont préservé la langue pour préserver le Coran. Okay. Et ils ont préservé aussi les significations et les clarifications dans d'autres livres. Et aussi, certains ulama ont écrit dans le sujet de Usul al-Fiqh, dans le but de préserver les fondements à ce sujet-là, comment comprendre l'application du Coran. dans les actions, dans les ibadat, dans les mu'amalat, etc. Hein? Et c'est pas comme certains s'imaginent qu'il n'y avait pas d'usul al-fiqh avant l'imam al-Shafi'i. Hein, comme l'imam al-Shafi'i, c'est le premier qui a écrit un livre là-dessus pour rassembler les principes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de principes auparavant. Les salafs connaissaient ces principes-là et ils n'avaient pas besoin de livres ou de documents ou de livres écrits à ce sujet-là pour les appliquer parce qu'ils les connaissaient déjà. Et l'imam Shafi'i a écrit ce livre en principe, c'est pour protéger ces fondements-là, pour pas que d'autres viennent par la suite pour jouer avec. Hein? Donc, beaucoup de sciences, c'est comme ça, comme la langue arabe par exemple. D'ailleurs, les Sahaba n'avaient pas besoin de livres, hein, de livres de grammaire. C'était eux la grammaire. C'était eux la science de la langue. Ils n'avaient pas besoin de livres de balara ou de livres de, par exemple, de sarf. C'était eux le balara, c'était eux le sarf. Donc, ceux qui sont venus après, ils ont écrit ces livres-là pour préserver ces sciences et ces instruments. Mais elles existaient déjà, c'est pas comme si elles n'existaient pas, ils l'ont pas inventé. Ils n'ont pas inventé la grammaire existait déjà. Hein? Et ça c'était avant que, comme j'avais dit la dernière fois, avant que les Arabes se mélangent avec les gens de d'autres peuples, et avant que l'Arabe soit, perde de sa pureté, disons. Hein? Qu'elle soit influencée par des influences extérieures, et que les mots commencent à changer dans leur utilisation, etc. La même chose pour sur le fiqh, hein? Et la même chose pour le fiqh. Les Sahaba n'avaient pas besoin d'un livre de fiqh pour savoir comment faire la salat. Hein? Ils avaient juste à regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à demander à quelqu'un qui l'a vu. Et ils faisaient comme le Sahabi décrivait, c'est tout. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui qui a été rassemblé par les ulama, c'est uniquement pour nous aider à appliquer et à préserver cette religion. D'accord? Donc, il y a d'autres livres à propos de An-Nasikh ou Al-Mansour. Hein? Donc, toutes ces sciences-là, vous allez voir toujours les ulama, ils n'avaient pas besoin d'écrire de livres à ce sujet-là, excepté si quelqu'un commençait à venir jouer avec ces affaires-là. Si quelqu'un commençait à venir jouer avec ces affaires-là, là, ils écrivaient pour préserver cette science et pour répondre à ceux qui venaient jouer avec. Comme par exemple, je disais à des frères aussi, comme le hijab. Si vous regardez dans les siècles, avant le 20e siècle, le 20e ou le 18e siècle, le 19e, pardon, 19 et 20e siècle, vous n'allez pas trouver des livres écrits qui s'appellent le hijab dans l'islam, ou bien, wa alaykum salam wa rahmatullah, ou les règles du hijab. Trouvez pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est venu pour remettre ça en question. Mais vous trouvez dans les livres de tafsir, dans les livres de fiqh, dans d'autres chapitres, vous trouvez des explications à ce sujet-là. Quand c'est le temps d'expliquer les versets qui parlent de ça, ou les règles de la salat qui parlent de ça, vous trouvez les explications. Mais les ulama n'ont jamais eu besoin d'écrire des livres sur le hijab, parce que c'était pas une question qu'on allait remettre en question. Mais lorsqu'il y a eu des égarés qui ont commencé à vouloir jouer avec ça, et commencer à renier ça, et remettre ça en question, là, les ulama étaient obligés d'écrire là-dessus, et de répondre à ces gens-là. Donc la plupart des sciences islamiques et des livres qui ont été écrits dans différents domaines ou sur différents sujets ont été écrits justement après le tawhid. Les ulama n'avaient pas besoin d'écrire de livres sur le tawhid. Le tawhid, il est dans le Coran et il est dans la Sunna. Mais lorsque des gens ont commencé à venir remettre en question le tawhid, à commencer à ramener des shubuhat, à nier les attributs d'Allah, à faire construire des tombes, à adorer les morts, ils ont commencé à écrire. C'est pour ça maintenant vous voyez par exemple les mubtadi'a parmi les soufis, les ahbash et tout, ils disent « Oh mais regardez les quatre imams des madahib, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad. » Ils n'ont pas écrit des livres comme Ibn Taymiyyah pour réfuter les Qubouriyyins et des choses comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Qubouriyyins à l'époque de ces imams-là. Les Qubouriyyins sont arrivés plus tard après. Donc quand une bid'a n'existait pas, les imams ne pouvaient pas la réfuter puisqu'elle n'existait pas. Vous n'allez pas voir un livre de l'imam Malik ou de l'imam Shafi'i ou de l'imam Ahmad pour réfuter par exemple Mawlid al-Nabawi. Parce que le Mawlid al-Nabawi n'existait pas encore, c'est une bid'a qui est apparue par la suite. Donc eux ils disent, oh, vous trouvez, on a pas des exemples des quatre madhahib qui interdisent le Mawlid. Mais c'est normal, ça n'existait pas encore à cette époque, ni à l'époque des Sahaba. Et c'est pour ça que c'est une bid'a. Hein? Donc c'est pour ça que ces gens-là, ils jouent avec les gens comme ça, de cette façon. Allah al-Musta'an. Mais bon, quand on revient au principe et on comprend d'où vient l'islam et comment elle s'est développée, là après, par la suite, on comprend comment ces gens-là essaient de jouer et d'amener tout ça de shubuhat. Donc, le cheikh, il dit que le sujet dont on veut parler, hein, justement, de la critique et tout ça, on en retrouve des exemples aussi dans la charia. Comment, par exemple, les ulama ont écrit des livres au sujet de la critique des rapporteurs de hadith et des mubtadi'ah. Et comment, par exemple, les savants de fiqh, ils se réfutaient les uns les autres. Souvent, dans les livres de fiqh, vous trouvez par exemple des ulama shafi'iyah qui répondent à des arguments des malikiyah et des hanbaliyah. Donc, vous trouvez dans les livres de fiqh plein de réfutations, plein de réponses à des ulama qui répondent à d'autres ulama sur différents sujets et sur différentes questions. Et tout ça, ça n'a jamais été quelque chose qui a été mal vu. Ça n'a jamais été critiqué, ça n'a jamais été négatif. Au contraire, c'est ça ce qui fait en réalité la force de cette religion, et c'est la critique, et de ramener les choses aux bases et au fondement. La même chose que les gens, les savants de Usul al-Fiqh, ils se réfutent les uns les autres sur différentes questions, quand ils ne sont pas d'accord. La même chose pour les savants de la langue, même sur la langue. Des fois vous allez voir, il y a une al-madrasa al-Kufiya et al-madrasa al-Basra. Les deux, ils ont des fois des divergences sur certaines règles de la langue arabe. Et donc, eux, ils se répondent, et les autres, ils répondent. Et donc, ils les argumentent comme, de cette façon-là, quand ils sont pas d'accord. Donc, tout ça, c'est dans le but de servir l'islam et de clarifier la vérité. Si vous regardez, toutes ces sciences-là se sont développées dans le but de protéger la religion. Hein? Donc, le cheikh, il dit que, à la base, c'est ça. C'est dans le but de clarifier la vérité. Et tous ces efforts-là, c'était des efforts sincères, Inch'Allah. Il dit, ça se peut que certains, c'était pas sincère, mais en général, les ulama de la Ummah, ils ont été sincères. Ils ont fait ça avec véracité et avec l'intention de donner le bon conseil. Hein. Et ça, c'était donc tous leurs efforts dans le but de protéger la religion. Et c'est par ce moyen-là que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en application ou a réalisé sa promesse de protéger sa religion, hein, et c'est une des choses qui distingue cette Umma de toutes les autres nations parmi les nations des hommes, parce que c'est la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Elle leur donne le bien et elle interdit le mal. Donc ça, c'est une explication intéressante aujourd'hui qu'on a vu, une partie du livre du cheikh qui nous a fait comprendre ce point important. Et donc pour terminer, allez, pour conclure tout ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y en a des gens qui, soi-disant, appellent à un dialogue intracommunautaire, par exemple. Ils disent, non, il faut se réunir avec les chiites, avec les soufis, avec tous les gens de bid'a, puis on s'assoit, puis on doit se respecter et apprendre à accepter nos erreurs et nos différences. Et ça, bien entendu, je n'ai pas aucun doute que ces gens-là qui disent des choses pareilles sont des gens qui n'ont aucune connaissance des fondements de l'islam et des fondements de la sunna. Hein? Parce que quelqu'un qui dit ça, c'est parce qu'il n'a pas de connaissance, ou bien qu'il a de mauvaises intentions et qu'il veut égarer les gens. Donc, on aura le temps, Inch'Allah, dans l'avenir de clarifier ce point-là en détail, Inch'Allah. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter avec ce qu'on a entendu aujourd'hui, puis on continuera ça, bi'iznillah, mercredi prochain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك